Chapitre 24e. La voiture qui avait emmené André au chemin de fer ramena Florence avec ses paquets et ses petites caisses. L'Amazone, bien fripée par son long sommeil, fut mise au grenier pour perdre ses plis, et Rose s'absorba dans la contemplation des accessoires de ce costume. C'est avec cette même robe que le jour de sa chute elle avait roulé dans un précipice fictif, aussi dangereux que s'il avait eu 50 pieds de profondeur. Rose s'était broyée, le drap n'avait pas une éraflure. « Je ne peux pas la voir sans frissonner, » murmura Florence. « Est-ce que tu auras le cœur de rentrer là-dedans, ma fille ?»« Je ne suis pas superstitieuse, » dit Rose d'un ton calme, « et je n'ai peur de rien. »« Justement, c'est ça qui m'effraie. Enfin, tu connais tes affaires, mon enfant. » Depuis quelque temps, la vieille bonne avait beaucoup changé. Sa verdeur d'allure, son ton autoritaire avait fait place à une langueur, à une soumission qui dénotait un affaiblissement de ses facultés. Elle avait parlé cette fois d'une voix si éteinte que Rose la regarda, quelque peu surprise. « Tu es malade ?» lui dit-elle avec plus de douceur. « Le voyage t'a fatigué ?»« Non, pas plus qu'autre chose. Je ne suis plus jeune, ma fille, voilà mon mal. C'est la vieillesse qui m'en rend susceptible, probablement. À présent, quand tu me parles sec, comme ça t'arrive souvent, ça me fait un drôle d'effet. Autrefois, je n'étais pas si sensible. Enfin, ça passera, ou c'est moi qui passerai. » Elle prononça ces derniers mots sur un ton de gaieté forcée, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Elle se détourna pour les essuyer. « Va te reposer, ma bonne amie, » lui dit Rose avec douceur, en lui mettant la main sur l'épaule. La pression de cette main aimée acheva de bouleverser la vieille servante. Elle fondit en pleurs, impossible à maîtriser, et tendit les bras pour se retenir à quelque objet voisin. Rose, effrayée, la fit asseoir sur une chaise et lui apporta un verre d'eau. L'agitation de Florence se calma bientôt et de longs soupirs, sortant de sa poitrine oppressée, remplacèrent les sanglots. « Qu'est-ce que tu as, Florence ? Tu es malade. Pourquoi me le caches-tu ? Est-ce que tu ne peux pas me dire tout ce qui t'arrive ? Est-ce que tu n'as plus confiance en moi ?» La vieille femme secoua la tête et, faisant un grand effort pour conquérir son émotion, vint à bout de parler. « Vois-tu, ma fille ? » dit-elle lentement. En entrecoupant son discours de pause forcée. Il ne faut pas tenter Dieu. Depuis quelque temps, tu mènes une vie de casse-cou. Moi, par exemple, s'écria Rose, dont le visage s'empourpra. Oui, toi. Tu m'as dit de parler, je parle. Tu as failli te tuer l'an dernier, Dieu sait pourquoi, par bravade, par folie, par caprice. Enfin, tu as voulu déranger ce gentil petit ménage langlois. Florence. La servante fidèle ne se laissa pas troubler par l'accent de colère qui accompagnait ce cri. Elle était décidée à aller jusqu'au bout. « Oui, oui, tu auras beau te fâcher, tu sais bien que c'est la vérité. Si le docteur n'avait pas eu plus de cœur et de bon sens que toi, il y aurait aujourd'hui bien des gens dans la peine, sans te compter. Tu as épousé M. André par caprice et par bravade, juste comme tu t'étais blessé à Tours, pour montrer au monde que tu n'as peur de rien. » Maintenant, ton mari ne veut pas que tu montes à cheval avec ses mirliflores. Il a raison. Tu vas en faire à ta tête, et tu le feras. Parce que je te connais bien, Rose. Tu fais ce qui te plaît, quitte à t'en repentir toute la vie. Eh bien, ma fille, tu tentes le bon Dieu, c'est mal. Il ne faut pas trop défier le sort. Parce qu'un beau jour, il prend le dessus et vous assomme d'un coup. Rose l'avait laissé dire sans l'interrompre. Au fond, elle avait horriblement peur que Florence, à son tour, n'évoquât ce nom de Simondi, si cruellement jeté à sa figure depuis 2 jours par tous ceux qui lui parlaient. À part ce nom, ce souvenir, tout le reste lui importait peu. Elle entendait le ronron monotone de la voix cassée, mais les paroles n'atteignaient pas son esprit. Surprise de ne pas recevoir en réponse quelque apostrophe violente, Rose semblant calme et pensant évidemment à autre chose, la vieille femme soupira, se leva, et gagna la porte. Es-tu remise ? Lui demanda la comédienne avec cette bonté banale qui est à la portée de tout le monde et ne coûte rien, ou si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Oui, merci, je vais voir à mon dîner, répondit Florence qui disparut. Quand Rose fut seule, le souvenir confus des dernières paroles de la vieille bonne revint à sa mémoire. En effet, tout ce qu'elle faisait depuis quelque temps, c'était par caprice d'orgueil. Pourquoi ne pouvait-elle pas aimer son mari ? Pourquoi les qualités d'André, qu'elle ne pouvait méconnaître, au lieu de la toucher, lui inspiraient-elles une impatience mêlée de dédain ? Quand il parlait en maître seulement, elle se sentait dominée, et pour cela, au lieu de l'aimer, elle l'aurait presque haï. Un désir ardent d'échapper à ce joug, de s'enivrer d'audace et de liberté, la saisit tout à coup si fort qu'elle eut le vertige. Elle ouvrit sa fenêtre qui regardait la mer, et les bras croisés sur sa poitrine fiévreuse, elle aspira largement l'air âpre et salé, l'odeur pénétrante et iodée du varech apporté par les vagues. Elle regarda avec envie le va-et-vient des flots que nul n'arrête, autour d'un rocher dont la pointe noircie semblait les défier éternellement. Être libre, indépendante, pensait-elle, faire ce qui me plaît, ne consulter personne, aller venir, admirer et aimer, s'il me plaît, seul, si je le veux. C'est l'esclavage, cette vie que j'ai eu la folie d'accepter. Je ne suis pas plus faite pour me soumettre à des lois étroites et ridicules que cette mère pour obéir à la main des hommes. Partir, aspirer l'air libre, courir où bon me semble, comme le vent qui emporte la poussière des vagues. Elle frémissait tout entière, ainsi qu'un cheval qui n'a jamais senti le mort, et qui voit entrer le dompteur avec l'instrument de soumission. Florence ouvrit la porte et jeta machinalement l'appel quotidien. « Madame est servie. »« Je ne dînerai pas, » dit Rose en saisissant à la hâte un chapeau et son manteau. « Je vais me promener. Je prends la clé, je rentrerai tard. » La vieille bonne ne répondit pas. Elle avait usé son éloquence pour plus d'un jour à venir. Mais quand la porte du dehors se fut refermée, elle suivit des yeux sa maîtresse qui se dirigeait vers l'est en marchant d'un pas rapide et régulier. « Cela finira mal, » se dit-elle en hochant la tête avec un douloureux soupir. Rose marcha longtemps sur la plage. C'était jadis une marcheuse infatigable. Depuis sa longue réclusion, elle n'avait jamais fourni une traite aussi considérable. Lasse, enfin, mais indomptée, elle s'assit sur le galet poli, les yeux tournés du côté de Trouville, qui s'éclairait de lueurs semées çà et là. Le phare d'abord, puis le casino, masse confuse piquetée de points lumineux, puis des réverbères sur la plage, dans les rues, partout. Elle était bien à moitié de la route et se sentait encore capable de faire le reste. Elle se leva pour y courir. Là se trouvait la vie, le mouvement. La froide réclusion de son mariage n'était qu'erreur et mensonge. Un détail matériel l'arrêta, comme toujours, dans les circonstances les plus graves de la vie. Elle était trop simplement mise pour se mêler à cette foule brillante, et puis à pied. Une femme élégante ne vient pas à pied de si loin. Calmée, mais non découragée, elle reprit lentement le chemin de Villers. En rentrant, elle trouva un souper froid préparé par les soins de Florence. Celle-ci l'attendait, mais n'osa se montrer, de peur d'une rebuffade. Rose se défit lentement de ses vêtements alourdis par l'humidité du soir, et s'assit devant le souper, car la course et le grand air avaient excité son appétit. En dépliant sa serviette, elle trouva sur l'assiette un télégramme. « Je ne reviens qu'après-demain, » disait André. « Quel bonheur, » pensa sa femme.